À l'occasion de manifestations en appui aux anges gardiens migrants et demandeurs qui avaient lieu samedi 23 mai et de la relecture de Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon, je ferai ici, pour la convergence des luttes des Suds, la lecture de Québec, les tirailleurs sénégalais, entre guillemets, de la COVID, un article de Jean-Numa Goudou, écrit pour Intexto Journal Nous, la référence de la communauté haïtienne. Intexto, Journal Nous, la référence de la communauté haïtienne. Québec, les tirailleurs sénégalais, entre guillemets, de la COVID, par Jean-Numa Goudou. François Legault, le premier ministre du Québec, l'a répété tellement de fois qu'on a tous fini par le savoir. À savoir que, entre guillemets, les anges gardiens, les préposés aux bénéficiaires ont été mal payés et sont encore mal payés. C'est d'ailleurs de cette façon qu'il explique en grande partie les scènes d'apocalypse que nos aînés ont connues dans les CHSLD. Mal payé au point que l'Haïtien Marcelin François, originaire de Gonaïves, Haïti, par exemple, mort au combat contre la COVID-19, a seulement réussi à peine à amener du pain et du beurre sur sa table familiale avant de mourir. Il n'a pu améliorer l'ordinaire de sa femme, ses enfants, voire de sa famille restée au pays, raison pour laquelle il a fait ce périple jusqu'au Québec. Car ces immigrants sont souvent beaucoup de bouches transnationales à nourrir. La diaspora haïtienne à l'étranger envoie plus de 4 milliards de dollars au pays chaque année. Les, entre guillemets, règles Legault. Il y a 8 jours, nous avons soulevé la question avec le chef du gouvernement du Québec après que son parti, la coalition Avenir Québec, CAQ, eut rejeté une motion de la députée indépendante Catherine Fournier. Elle souhaitait non seulement une, entre guillemets, reconnaissance de leur travail, mais du même souffle, une, entre guillemets, régularisation du statut des travailleurs de la santé au front de la guerre. On s'est fait promener par le chef de la CAQ qui a littéralement esquivé la question. Mais à Radio-Canada, François Legault a craché le vrai morceau. Voici ce qu'il a dit. « Je suis très heureux de leur travail », d'ailleurs, affirmé François Legault en conférence de presse, tout en rajoutant que le Québec est chanceux, entre guillemets, de compter sur ces personnes. « Mais il y a des règles », a-t-il spécifié en renvoyant ce sujet sur la table du gouvernement fédéral. « Je pense que c'est important de respecter les règles », François Legault, premier ministre du Québec. Tiraillé. Tout comme en démocratie, il y a des règles de droit aussi. Mais dans le contexte de la COVID, ces règles-là sont bafouées en raison de la situation exceptionnelle. On s'entend et on se comprend. La situation des demandeurs d'asile ayant risqué leur vie, leur santé est une situation tout aussi exceptionnelle aux yeux de tous les partis d'opposition au Québec, sauf la CAQ. Cette position force mes souvenirs des tirailleurs sénégalais au cours de la Deuxième Guerre mondiale. On les appelait, entre guillemets, l'armée noire, ou encore la entre guillemets, force noire, en raison de leur couleur de peau. Ils n'étaient pas tous sénégalais. Ils venaient d'autres pays, d'Afrique également, mais c'est au Sénégal que les premiers ont été recrutés, d'où leur nom. Après avoir aidé la France, l'Hexagone a carrément provoqué, sinon réalisé leur massacre raciste. À l'entrée nord de Lyon et dans les Monts d'Or, les 19 et 20 juin 1940, 1333, entre guillemets, tirailleurs sénégalais, ont été férocement tués par les Allemands. À Thiaroy, près de Dakar, c'est carrément l'armée française qui les a abattus dans la nuit du 1er au 2 décembre 1944. Ceux qui ont eu la vue sauve ont été déportés en Afrique, tout bonnement. Pourtant, ils étaient redoutables et intraitables au front de la guerre. Lisez Mémoire en marche sur les traces des tirailleurs sénégalais 1939-1945. C'est un peu comme pour les anges gardiens, entre guillemets, dont François Legault se dit très heureux, entre guillemets, du travail qu'ils ont accompli dans la guerre contre la COVID-19 dans la province. Mais il y a des règles à respecter, dit-il, pour ne pas appuyer une régularisation de leur statut d'immigration. Pour mémoire et pour l'histoire, dois-je souligner que Pierre-Éliott Trudeau, entre 1973 et 1974, avait réalisé l'Opération Mon Pays, Opération Mon Pays, entre guillemets. Le plus important programme de régularisation au Canada a permis la régularisation d'environ 39 000 personnes. Même les conservateurs en 2014 créent un programme de régularisation au profit des Haïtiens et des Zimbabwéens. En raison du tremblement de terre de janvier 2010, des milliers d'Haïtiens se sont retrouvés sans statut au Canada. Un moratoire sur les renvois était en application. En levant le moratoire le 1er décembre 2014, le gouvernement conservateur a mis sur pied un programme de régularisation pour des raisons humanitaires. Ottawa leur avait accordé 6 mois pour présenter une demande de résidence. À l'expiration de ces délais, le gouvernement libéral l'avait prolongé, ce qui a permis à plus de 2500 personnes d'accéder à la résidence permanente. Le premier ministre affirme que le Québec est, entre guillemets, « chanceux » de les avoir, ces travailleurs haïtiens. En revanche, c'est quoi leur chance, eux? Article écrit par Jean Numa Goudou, intitulé « Québec, entre guillemets les tirailleurs sénégalais, de la COVID ». Écrit pour Intexto, Journal Nous, la référence de la communauté haïtienne.